Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, chef de la délégation du parti en visite en République de Namibie, a rencontré le 23 août Sam Nujoma, premier président de la République de Namibie. Sam Nujoma a prié son interlocuteur de transmettre ses salutations sincères au camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée. Il a souhaité chaleureusement la bienvenue à la délégation du Parti du Travail de Corée et déclaré que la Namibie continuera de développer les rapports d'amitié et de coopération avec le Parti du Travail et le gouvernement de la Corée dans tous les secteurs, notamment politiques et économiques, malgré la tentative américaine de séparer les deux pays amicaux.